Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On va se plonger aujourd'hui au cœur d'une mécanique et d'un design vraiment fascinant. Ouais, bonjour. Et pour le coup, notre mission, c'est de décortiquer un modèle assez précis qui vient juste d'arriver sur notre parc. Exactement. Parce que bon, en tant que salarié de la société UTAC, on a la chance de voir passer énormément de véhicules tous les jours. Ok, ouais, c'est clair. Mais celui-ci mérite vraiment qu'on s'y attende. C'est une Mazda 2 de 90 chevaux en finition Centerline, millésime 2023. C'est ça. Et l'objectif, c'est de comprendre comment une citadine arrive à offrir, on va dire, la technologie et le confort d'une berline beaucoup plus premium. Ouais, parce que c'est vrai que la première chose qui frappe, c'est la ligne. Avant même de parler mécanique, il faut vraiment qu'on s'arrête sur le visuel. Ah, le fameux design Kodo de chez Mazda. En fait, ça se traduit par l'âme du mouvement. L'idée, c'est que la voiture ait l'air de bouger, même quand elle est à l'arrêt. Ouais, c'est un peu comme un athlète dans les starting blocks, quoi. Les muscles tendus, on sent l'énergie juste avant le coup de pistolet. C'est exactement l'analogie qu'il faut. Et techniquement, ça passe par un emboutissage de l'acier qui est ultra complexe. On n'a pas juste des flancs tout plats. Non, c'est sûr. La tôle et l'alterne, en fait, des surfaces subtilement concaves et convexes. Du coup, la lumière de la ville, elle glisse sur les courbes et le cerveau perçoit une sorte d'ondulation continue. C'est fou comme illusion d'optique. Avec la calandre super basse et les phares à LED bien acérés, on s'attend logiquement à une vraie sportive, en fait. Totalement. Et c'est là que cette apparence sculpturale annonce directement le comportement routier. Alors justement, passons sous le capot, parce que là, j'ai besoin d'être un peu convaincu. On a le moteur essence 1,5 litre Skyactiv G, mais sur la fiche, on lit 90 chevaux. Ouais. Pour une allure d'athlète comme ça, ça paraît presque modeste, non? Pour s'insérer avec vivacité sur l'autoroute. C'est le grand paradoxe. On a trop l'habitude de ruger un moteur juste sur la puissance brute. Mais la technologie Skyactiv, elle prend le problème à l'envers. Elle cherche d'abord le rendement énergétique absolu. Attends. On fait une petite pause là-dessus. C'est quoi l'innovation exactement? Eh bien, c'est le taux de compression. On compresse le mélange air-essence dans les cylindres à un niveau extrêmement élevé. Mais normalement, dans un moteur classique, si on compresse trop fort, ça explose tout seul avant même l'étincelle et ça abîme le moteur, non? Exactement. C'est pour ça que les ingénieurs ont complètement repensé l'échappement et la géométrie des pistons pour bien évacuer la chaleur. Ça permet de compresser super fort, mais en toute sécurité. Ah d'accord, je vois. Donc en gros, avec la même quantité d'essence, on obtient une plus grosse explosion. Voilà, c'est le principe. On extrait le maximum d'énergie de chaque goutte. Le résultat, c'est qu'on n'a pas besoin d'un gros bloc moteur hyper lourd pour avoir de l'agilité. Ce qui fait que le véhicule reste léger. Exactement. Ces 90 chevaux, couplés à une boîte manuelle redoutable de précision, ils offrent des reprises super vives et une consommation extrêmement sobre. Et cette philosophie d'efficacité sous le capot, on la retrouve directement à l'intérieur. L'habitacle, il est vraiment pensé pas comme un salon, mais comme un vrai espace de concentration. Ouais, la finition Centerline, elle est top pour ça. L'ergonomie suit la même logique de fluidité. Tout est centré sur le conducteur, l'écran central est hyper intuitif et compatible avec les applis smartphones. Et la clim se gère sans avoir à quitter la route des yeux. Ça, c'est génial. Ce qui nous amène à l'opportunité de ce modèle précis mis en vente par l'UTAC. On est sur un modèle 2023 qui affiche à peine 12 600 km. C'est une excellente illustration du marché actuel. Un kilométrage aussi faible, avec le dernier entretien qui vient juste d'être fait en janvier 2026. Ah oui, donc on n'a absolument rien à faire. Rien du tout. L'historique est limpide et la garantie constructeur est toujours active. Ça représente la fiabilité nippone à l'état pur. On profite d'une mécanique qui a juste eu le temps de finir son rodage. C'est quand même magique de se dire qu'on peut profiter de cet intérieur littéralement neuf sur une occasion sans subir la grosse décote des toutes premières années. Ouais, c'est clair. En rassemblant tous ces éléments, ça fait méditer sur la façon dont l'ingénierie moderne arrive aujourd'hui à effacer totalement la frontière entre la simple petite citadine et la vraie expérience premium. Le niveau de sophistication montre bien que l'excellence technique, c'est plus du tout réservé aux voitures de luxe. La vraie sophistication se trouve très souvent dans l'optimisation minutieuse de ce qui existe déjà, plutôt que dans la pure démonstration de force. Merci de nous avoir écoutés pour cette exploration et à bientôt.